Sonnet 25 des regrets de Joachim du Bellay. Enregistré pour LibriVox.org. Malheureux l'an, le mois, le jour, l'heure et le point, et malheureuse soit la flatteuse espérance, quand pour venir ici j'abandonnais la France est mon Anjou, dont le désir me point. Vraiment d'un bon oiseau guidé je ne fus point, et mon cœur me donnait assez signifiance que le ciel était plein de mauvaises influences et que Mars était l'or à Saturne conjoint. 100 fois le bon avis leur m'en voulut distraire, mais toujours le destin me tirait au contraire. Et si mon désir n'eût aveuglé ma raison, n'était-ce pas assez pour rompre mon voyage, quand, sur le seuil de lui, d'un sinistre présage, je me blessais le pied sortant de ma maison ? Fin du poème. Enregistré par Beniamino Massimo. Cet enregistrement fait partie du domaine public.